Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h si vous avez loupé la fin. Cette semaine, Affaire Grégory, le roman de la Vologne, une série de Denis Robert réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a une vieille histoire qui va peut-être enfin connaître un épilogue et un visage d'enfant qui accompagne depuis 34 ans ceux qui se souviennent de l'affaire de la Vologne. Il y a aussi l'envie de se remettre dans l'atmosphère de l'époque en faisant revivre, sans y toucher, les papiers d'un journaliste resté une année sur place à traquer un corbeau. De toute cette boue, de ces passions coupables émerge la figure d'une mère désormais lavée de tout soupçon. Et finalement, tout au bout des haines recuites en débrouillant les nœuds, un unique scénario criminel émerge, pas très loin de la vérité. Alors pour commencer les personnages, un juge qui patine, des gendarmes qui portent le chapeau, un procureur furieux, un avocat parisien, des meutes de journalistes, trois femmes, des gendarmes mis de côté, une femme soupçonnée injustement, un propriétaire méfiant, un jeune journaliste ému et distant, des reporters qui volent des photos, un père fou de douleur et encore un mort. Ensuite le décor. L'intime conviction, une libération, un chien, des expertises, des soupçons, une enquête, des rivalités, une grossesse, des archives à remonter le temps, des petites routes, une forêt qui étouffe tout, des vaches, une maison hantée, des portes fermées, deux grossesses, du chagrin, le deuil, une tombe vandalisée, Nancy, l'éponge, au Monzay, un fusil de chasse, l'huile sur le feu et un enterrement. Aujourd'hui, troisième épisode, Bernard est sorti. Au Monzay. Le 7 février 1985. Bernard Laroche vient de passer 3 mois en prison. Chacun s'accordait à penser, dès sa libération, que sa vie était maintenant foutue. Dans les bistrots, les couloirs des tribunaux, les rues de l'Épange ou de Monzay, partout le même refrain. Pauvre Bernard. Et la même question. La faute à qui ? Je suis vengé, je l'ai mis dans la Vologne. Lui, c'est Grégory, un petit garçon de 4 ans qui a été retrouvé noyé dans une rivière des Vosges. Les habitants du village de l'Épange sur Vologne dans les Vosges ont l'impression de vivre un véritable cauchemar. C'est dans ce village en effet qu'avant-hier Grégory Villemin, un garçon de 4 ans et demi, a été enlevé à la sortie de la maternelle et jeté dans la rivière après que son assassin lui ait lié les mains dans le dos et lui ait passé une cordelette autour du cou. Quelques instants avant la découverte de la disparition de Grégory, un homme à la voix rauque a annoncé l'assassinat de Grégory en téléphonant à son oncle. « Je me suis vengé », a dit l'homme, « j'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la Vologne ». J'ai tué le fils du chef. Affaire Grégory, le roman de la Vologne. Denis Robert, Yvon Croisier. Troisième épisode, la mort western de Bernard Laroche. La faute à qui ? Hier matin, les gendarmes, dont Maître Garraud, l'avocat de légitime défense et de la partie civile, a demandé le dessaisissement, renvoyaient une bonne part des responsabilités de la catastrophe judiciaire sur les frêles épaules du juge Lambert. Le juge, plus que jamais enfermé dans son petit bureau à porte vitrée, ne rumine plus. Il assume avec élégance et évoque maintenant son intime conviction d'innocence concernant Bernard Laroche. Il aurait, sur son bureau, les premiers résultats des nouvelles expertises en écriture qui innocenteraient Laroche et condamneraient un nouveau suspect. Le juge ne dit rien. Il fait savoir qu'il a toujours agi en toute indépendance. Et s'il a parfois été influencé, il a décidé seul, en son âme et conscience. Pour l'instant, même si les gendarmes ne sont pas officiellement dessaisis du dossier, leurs rapports avec le magistrat ne sont pas au beau fixe. À la question « la faute à qui ?», le juge ne répond pas directement, mais parle volontiers des « erreurs gendarmesques ». La presse est également mise en accusation. Monsieur Lecomte, le procureur de la République d'Épinal, dont le bureau se trouve au-dessus du cabinet du juge d'instruction, ne fait plus aucune déclaration depuis 2 mois. Il a été un des plus chauds partisans de la thèse Laroche. S'il prenait, il a 5 jours pour le faire, la décision d'un appel à la libération ordonnée par le juge, il ne surprendrait personne. Les rapports entre le procureur Lecomte et le juge Lambert, jadis chaleureux, se sont au fil des mois un peu refroidis. Du côté des 3 avocats de la défense, on arborait un large sourire. Si le bâtonnier Stasi, s'intéressant surtout à l'aspect procédurier, reste tranquillement à Paris, Maître Pron, l'avocat parisien au chapeau mou, et Velzer, le régional de l'étape, sont passés à l'offensive. « Nous irons jusqu'au bout », ont-ils déclaré hier. « Nous y sommes décidés. Le problème de Bernard Laroche est une chose. Il faudra voir comment l'indemniser et réparer. Mais pour nous, il est clair que la justice et la gendarmerie ne sont pas faites pour traquer les innocents. » Caché chez des proches de Maître Velzer, Bernard Laroche a reçu hier matin quelques reporters privilégiés à qui il n'a fait que répéter sa fatigue et son innocence. L'excursion journalistique a été organisée dans le plus grand secret par l'avocat spinalien. Ça me fait drôle de me retrouver en liberté au bout de 3 mois. Mais je suis très heureux. Pendant votre détention, qu'est-ce qui a été le plus dur ? C'est d'être là à la place d'un autre. Vous êtes innocent ? Oui, je suis innocent. Ça, je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. À quoi pensiez-vous dans la prison ? Ouais, j'avais peur. J'avais peur de ne pas sortir. Est-ce que vous allez entreprendre quelque chose pour prouver votre innocence ? Bah, c'est difficile. Comment voulez-vous ? Si je peux aider le juge, je le ferai, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les semaines qui viennent ? Déjà, reprendre mon travail le plus tôt possible. Essayer d'oublier. Épinal, 15 février 1985. Les nouvelles expertises sont sur le bureau du juge Lambert. Elles innocenteraient totalement Bernard Laroche, selon un avocat de la Défense. Partant du postulat, encore jamais remis en cause, que si Laroche n'est pas le corbeau, alors il n'est pas l'assassin, la décision de non-lieu du juge Lambert pourrait intervenir sous peu. Outre Laroche, 8 autres suspects auraient été soumis à de nouveaux tests de dictée. Dès lundi, des policiers du SRPJ de Nancy devraient prendre l'affaire en main. Le vide laissé par la libération de Laroche, présenté voici à peine 3 mois par les gendarmes et le juge comme l'assassin sur mesure de Grégory, relance l'enquête vers de nouvelles pistes. Il y avait 9 petits nègres, il n'en reste que 8. On se croirait revenu 4 mois plus tôt, avec les mêmes doutes, et une seule certitude. Un corbeau est là, et il a tué Grégory. Est-ce lui qui a persécuté la famille par ses appels anonymes, pendant les 2 années ayant précédé le crime de la Vologne ? Ou est-ce que l'assassin de Grégory s'est servi de lui pour détourner les soupçons ? Les policiers chargés de l'enquête devront au plus vite répondre à cette question. Avec le très lourd passif de l'inculpation de Laroche, ils vont devoir jouer plus prudemment. Les parents, grands-parents et oncles de Grégory risquent à nouveau d'être placés sous haute tension. Chacun va s'observer et accuser, encore et encore. Oh! Thibaut Solano, journaliste, auteur de La Voix Rauque. Quand le crime survient, l'enquête est d'abord confiée à la gendarmerie, à la SR, avec le jeune capitaine Sesmat, qui lui, non seulement affronte une affaire criminelle unique, et qui, en plus de ça, affronte le déchaînement médiatique, puisque, évidemment, beaucoup de journalistes vont venir sur cette affaire, et il doit s'improviser un peu communicant, parler à la presse, faire des points presse régulièrement, quitte à commettre quelques maladresses. En tout cas, Sesmat va mener une enquête qui très rapidement se dirige vers Bernard Laroche. Et finalement, l'enquête va finir par s'immobiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gendarmes sont toujours en charge de l'enquête, mais le juge Lambert, ne leur confie plus rien. Et ils se retrouvent avec leurs pistes, sans pouvoir avancer davantage. Le juge Lambert donnera plusieurs explications pour dire pourquoi finalement il n'a pas continué les investigations avec la gendarmerie, notamment une procédure qui va voir plusieurs pièces annulées. Et au bout de quelques mois, en 85, c'est finalement la police judiciaire qui va récupérer l'affaire et qui va orienter l'enquête vers une autre piste, en l'occurrence vers Christine Villemain, délaissant totalement la piste qu'avait creusée Sesmat et à laquelle il croyait, à mon avis, dur comme fer, qui était la piste Bernard Laroche. 13h hier, un baiser rapide à sa femme Marie-Ange qui est venue l'accompagner. Bernard Laroche a décidé d'essayer de reprendre la vie comme avant les 3 mois qu'il a passé en prison. Pour autant, la pointeuse et la maintenance des métiers à tisser ne lui permettront pas d'oublier qu'il est toujours soupçonné de l'assassinat du petit Grégory. Mais à l'usine, on l'attend avec bienveillance. Nancy, le 16 mars 1985. Depuis la libération de Bernard Laroche et la passe d'armes entre les gendarmes d'Épinal et les policiers de Nancy, qui a vu les policiers prendre la main sur l'enquête, l'affaire semblait plongée dans une torpeur, que seule venait troubler des nouvelles, comme l'annonce de la grossesse de la mère de Grégory. On avait presque oublié qu'il subsistait le meurtre d'un enfant et un suspect numéro un, libéré peut-être, mais toujours inculpé. Soudainement, comme si l'actualité ne pouvait se satisfaire des silences de l'affaire Grégory, tout s'est à nouveau précipité. En une semaine, il y a d'abord eu, publié par France Soir et Le Parisien Libéré, puis relayé par RTL, les noms et les photos de 3 suspects. Des femmes. De sources sûres, a-t-on pu lire. De sources policières, a-t-on pu entendre. Halte aux rumeurs, ont répondu les avocats de Laroche, déplorant que le parquet se serve de leurs clients comme d'un otage. Ces 3e expertises en écriture, dont les résultats sont connus du juge depuis 2 semaines, font l'objet de tractations. Le juge les aurait livrées aux policiers, qui les auraient fait fuiter dans la presse. Pour égarer les soupçons, 3 noms de femmes ont été publiés, mais un seul serait le bon. Pourtant, les policiers nancéens, pour ne pas refaire les erreurs des gendarmes, avaient reçu des consignes strictes de ne rien laisser filtrer. « Ordre du ministre », s'entendait-on rétorquer à chaque question. L'affaire Grégory est théoriquement résolue, a-t-on pu lire sur les fils de l'AP, Associated Press. Concernant Bernard Laroche, on apprend, toujours selon cette source, qu'il est désormais exclu, et de loin, de la première place dans la hiérarchie des suspects. Pour les enquêteurs, le corbeau est une femme. L'auteur présumé du crime serait théoriquement identifié. On n'arrête plus l'intox. À se demander si pareille information n'est pas livrée dans le seul but de faire réagir un hypothétique suspect. Dans les Vosges, l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, désormais confiée aux policiers et non plus aux gendarmes, est bien repartie à zéro. Lundi prochain, les parents de Grégory seront interrogés par le juge d'instruction d'Épinal, qui a déjà sous les yeux les nouveaux rapports des nouveaux graphologues. Le bruit court dans le pays que la mère de Grégory, Christine Villemain, n'a peut-être pas dit toute la vérité. Une rumeur de plus. Écoutez la réaction de Christine Villemain au micro de notre envoyé spécial dans les Vosges, Jacques Expert. Au début, ça m'a choqué, mais de toute façon, maintenant, ça me laisse froid parce que j'ai rien à me reprocher. Et de toute façon, les expertises, ce n'est pas une science exacte. Il y a 3 mois, on désignait Laroche, après on a désigné Jacquel. Alors qu'on me désigne moi ou une autre personne pour approuver encore. Et puis, pourquoi est-ce que ça serait vraiment les experts là qui diraient la vérité et puis pas les autres d'avant? Bien alors, dans quel état d'esprit irez-vous chez le juge lundi? Bon, très calme. J'ai pas. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était la vérité. Donc, j'aurais rien d'autre à changer. Et puis, de toute façon, on est convoqué, c'est pour signer les résultats d'expertise. Qui nous a dit, bon, bah, ça en plus. On verra bien lundi. Et comment vivez-vous les soupçons qui pèsent sur vous? Non, c'est vraiment. Parlant, c'est pas français, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que c'est, on reprend la route que les assassins, parce qu'on peut parler d'assassins, ont pris il y a 34 ans, quoi. Et là, vous devriez mettre votre ceinture. C'est le chemin que prend l'assassin, en fait. C'est des toutes petites routes, vous voyez, on peut difficilement se croiser à deux voitures. Et on va petit à petit arriver jusqu'à la maison de Christine et Jean-Marie Villemain. Mais la maison ne ressemble plus à ce qu'elle ressemblait à l'époque. Donc cet endroit-là a été arpenté beaucoup par les gendarmes, par les policiers. Parce que les policiers, ils avaient une seule idée, une seule obsession. C'était que la mère ait pu, dans un temps donné, prendre cette route, déposer le corps, remonter et... matériellement, quand on essaie de le faire, on se dit c'est pas possible, quoi. Même si on roule très vite avec une Porsche et qu'on est pilote de Formule 1, on y arrive tout juste. Et alors on est entouré de forêts, quoi. C'est comme si la forêt étouffait tout, quoi. Les bruits, les traces, les passages. Et il faut s'imaginer que tout ça s'est passé de nuit, quoi. Enfin, dans la pénombre. Là, on est en plein soleil. On n'a pas le même rapport à la géographie et au lieu. Ça, c'est les vaches de la mère Clodon, elle les mettait à paître là. Alors, on arrive à la maison de Christine et Jean-Marie. C'est son deuxième propriétaire et le type, il supporte pas les importuns, quoi. C'est lui qui a abattu un drone de Netflix il y a quelques jours. Là, il faut montrer patte blanche parce que le mec il va sortir sa carabine. Bon, je vais pas m'éterniser, hein. Je voulais vous montrer l'endroit, c'est tout. Donc, d'après les gendarmes, la roche se serait garée un peu plus haut, aurait laissé Muriel dans la voiture et il serait descendu. Voilà la maison. Vous voyez ? Donc on est Denis Robert, dans une sorte de lotissement, sont plein de maisons individuelles. Est-ce que vous avez poussé des portes? Est-ce que vous avez pénétré l'intimité des différents protagonistes de l'affaire? Non, je dois avouer que j'ai jamais poussé des portes, mais j'ai été le mec qui suivait 10 mètres derrière, quoi. Et donc, il m'est arrivé d'aller chez les grands-parents, chez Jackie Villemain, chez aussi Jean-Marie, mais j'ai jamais eu le... J'étais toujours très distant par rapport à ça. J'étais aussi très ému de la douleur de ses parents qui avaient mon âge, quoi. Ça s'appelle Mille Fleurs maintenant, la maison. Ils doivent en avoir un peu marre de tous ces gens qui passent et repassent. Bruyères, le 24 mars 1985. À l'instar des piles Vondaire, l'affaire Grégory ne s'arrête jamais. On croit que l'action va baisser, que les acteurs vont se fatiguer, que l'intérêt du public va chuter. On se trompe. Trois noms de femmes étaient sortis de l'oubli, comme d'une boîte à ressort pour faire la nique à la vindicte populaire. Cette semaine, à coups de communiqués d'avocats et de fuites policières, l'étau s'est resserré lentement autour de la mère de Grégory. Christine Villemain, 26 ans, la petite ouvrière de L'Épanche-sur-Vologne, que les images de la télévision ou les photos de presse ont toujours montré vêtue de noir, les yeux rougis par le chagrin, est finalement sortie de sa réserve et a réagi à la campagne de presse ourdie contre elle. « Si on essaie de créer un climat pour me faire craquer, c'est peine perdue », a-t-elle déclaré à l'AFP. « On peut me mettre en garde à vue, mais je n'ai rien à me reprocher. Ce n'est pas comme ça qu'on retrouvera l'assassin de mon fils. » N'empêche, la mère est dans le collimateur. Visiblement, à la PJ, on accorde un crédit très relatif à ses déclarations concernant son emploi du temps le jour du crime, entre 17 et 18 heures. Et on le fait savoir, par voie de presse. Christine Villemain a été la dernière à voir l'enfant vivant. De là à la suspecter, il n'y a qu'un petit pas que beaucoup de journalistes ont franchi aisément. Bon là, on descend des hauts de l'Épange et du plateau, puis on arrive au village. Et en fait, tout le fait divers s'est joué dans un triangle au Monzé de Selles-l'Épange. C'est 15 km de côté, quoi. Et c'est là que ça circulait, les voitures, les flics, les journalistes. Donc on passait notre temps à rouler, à s'arrêter, à poser des questions. Donc au début, les gens étaient plutôt... répondaient, quoi, quand on n'était pas nombreux. Mais à un moment donné, quand tu as une centaine de journalistes tous les jours ici qui attendent l'arrestation du coupable et que l'arrestation ne vient pas... Les types tournent en rond, se chauffent entre eux, il y avait comme une course au scoop, à trouver le coupable. Et une fois qu'un coupable était désigné, à en trouver un autre, et un autre, et un autre. Le pire étant, évidemment, Christine Villemain. Denis Robert, certains de vos collègues étaient moins scrupuleux que vous et n'ont pas hésité à pousser sérieusement les portes. Bah, chez les journalistes, c'était un peu le sport national, quoi. L'idée, c'était d'aller... il fallait absolument récupérer des photos, il fallait absolument récupérer des lettres, des traces écrites. Le match était très concurrent du Figaro. Et ils envoyaient des reporters pour soudoyer ou voler, quoi. Et ça faisait vendre du papier, quoi. Les journaux se vendaient énormément, l'affaire de la Bologne, c'était un pont d'or pour tous les patrons de presse, quoi. J'ai écrit un article qui s'appelait les Mémoires d'un rat, et je raconte ces vols, je raconte comment des journalistes... Il y a une histoire qui est emblématique de tout ça. Un photographe qui travaillait pour le Parisien a été subtilisé sur la tombe de Grégory, la photo de l'enfant qui était scellé sur la tombe, quoi. Et ensuite il a été dire à Jean-Marie Villemain que on avait volé sa photo, quoi. Et le père était en colère, etc. Et donc quelques jours plus tard, le type est revenu en lui disant: Jean-Marie, j'ai récupéré ta photo. Donc Jean-Marie était visiblement heureux, mais il a jamais su que c'était le même mec qui avait volé la photo. Voilà, ces genres de méthodes. Ou alors, ils allaient acheter des jouets pour les mettre sur la tombe, en faisant des photos de la tombe avec les jouets, enfin ce genre de choses. Vous avez écrit: j'ai appris le journalisme au bord de la Vologne, je l'ai désappris aussi. Je suis arrivé ici avec des illusions, c'est-à-dire, pour moi, mes modèles, c'était le Watergate, c'était... Albert Londres, j'avais ça en tête, quoi. Et on arrive ici, on est dans un fait divers, et il y a un effet de meute, quoi, un effet de groupe, et tout le monde les gens se comportent très mal, quoi. On n'était pas tous comme ça, mais une majorité quand même était. Il y a une folie qui s'est emparée du collectif, hein, ça c'est absolument certain. L'affaire Grégory arrive peut-être à un nouveau tournant. Christine Villemain et le juge Lambert vont se retrouver face à face aujourd'hui. Les rumeurs soupçonnent fortement la mère de Grégory d'être responsable de la mort de son enfant. Reste à savoir si les expertises graphologiques peuvent confirmer ces rumeurs. Christine Villemain, en tout cas, proteste de son innocence et son avocat lui aussi se dit persuadé de son innocence, d'autant qu'à son avis, les expertises sont sujettes à caution, comme il l'a expliqué à notre envoyé spécial Jacques Expert. Vous savez, les expertises dans l'écriture, il faut leur donner une valeur d'indication. Mais les experts ne sont pas des dieux. Et d'ailleurs, dans cette affaire, nous en avons eu plusieurs avec des conclusions différentes. Et quelle sera votre attitude si les analystes désignent Mme Villemain? Eh bien, je demanderai, conformément au code de procédure pénale, une contre-expertise. Il me semble que, vous savez, ce couple, on a creusé autour sur lui. Je crois que mes clients, vous les connaissez. Il y a longtemps que vous êtes sur place. Je crois que c'est un petit couple sans histoire, un petit couple qui travaille, un homme qui aime sa femme, un homme qui n'a pas de maîtresse et une femme qui n'a pas d'amant. Alors, il est évident que pour certains, le fait de ne pas avoir de maîtresse pour un homme, le fait de ne pas avoir d'amant pour une femme, on serait presque anormal. Et je crois que tout démontre qu'ils aimaient terriblement leur enfant. Et personnellement, permettez-moi de vous dire que je suis, à titre personnel, scandalisé en l'état de ce dossier que je connais bien, de voir que l'on tendrait à vouloir transformer Christine Villemain et Jean-Marie Villemain en coupables alors qu'ils sont victimes. Journée d'instruction mouvementée à Épinal. D'abord, on apprenait ce matin que Christine Villemain avait été hospitalisée d'urgence dans une clinique d'Épinal la nuit dernière. Enceinte de 2 mois, elle a été victime d'une hémorragie et va devoir garder la chambre 4 jours encore pour écarter tout risque de fausse couche. Ce matin, le juge a donc notifié les résultats des expertises en écriture à Jean-Marie Villemain et à son avocat. Pour Maître Garot, l'accident de sa cliente n'était pas fortuit. Épinal, hôpital, le 26 mars 1985. Que retenir d'une pareille journée? La pluie? Le regard de Jean-Marie Villemain ou les sourires de son avocat Maître Garot? L'arrivée en force du commando Lambert, du nom du magistrat instructeur à la petite clinique de la Roseraie? Ou encore la nouvelle peu surprenante que Christine Villemain, désignée toute la semaine dernière par les rumeurs comme étant le corbeau, était toujours, en fin de journée, innocente et partie civile? Rien et tout à la fois. Dimanche, vers 23h, Christine a été transportée d'urgence en clinique. Une mauvaise hémorragie utérine, tel était le diagnostic. Autrement dit, une presque fausse couche qui a fait la une de tous les flashs radio de la matinée. Cette indisposition maternelle n'a pas contrarié le programme du juge, décidé à agir vite. Jean-Michel Lambert s'est rendu peu avant 16h au chevet de Christine. 1h30 plus tard, interrompant le défilé des femmes enceintes se rendant à la petite clinique, d'habitude si calme, le groupe ressortait sous la pluie et le feu des projecteurs. Le juge se faufilait dans sa 4L de service. Maître Garot était tout sourire. Ceux qui s'attendaient à une inculpation de choc en étaient pour leur compte. Hier, dans la petite clinique, on jouait les confidences sur l'oreiller. De sa chambre d'hôpital, Christine Villemain a subi une épreuve de dictée. Même si la nouvelle n'a pas encore été rendue publique, c'est elle que les dernières expertises désigneraient comme le corbeau de la Vologne à 80% de chance sur 100. Maître Garot s'est empressé d'annoncer une contre-expertise qui devrait prendre au moins 15 jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décidément, on n'a pas fini d'être surpris par les rebondissements de l'affaire Grégory. On croyait l'enquête repartie sur de nouvelles pistes et voilà qu'arrive un deuxième meurtre. Bonsoir. Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche d'un coup de fusil. Le drame a eu lieu en fin de matinée au domicile de Laroche. Ensuite, Jean-Marie Villemain s'est constitué prisonnier. L'enquête de FR3 Nancy. Il est 13h15 et comme chaque jour, Bernard Laroche regagne Aumoncé et sa petite villa située à flanc de colline. Alors qu'il se trouve sur le pas de la porte, il voit surgir d'un bosquet Jean-Marie Villemain. Le père du petit Grégory est armé d'un fusil de chasse. Lucien Boll, le beau-frère de Bernard, sort alors de la villa et tente de s'interposer. Bernard Laroche dit alors à Villemain, pose ton fusil et rentre, on va s'expliquer. Villemain ne répondra pas, il tire une balle, une seule, qui perfore le poumon droit de Laroche. Bernard Laroche mourra 15 minutes plus tard, devant sa femme Marie-Ange. Au Monzé, le 31 mars 1985. Une seule balle a suffi. Une seule. Tirée à bout portant. Marie-Ange Laroche qui hurle, Bernard qui s'effondre et Jean-Marie qui repart aussi vite qu'il a surgi. Aumonzé, Épinal, une trentaine de kilomètres, un fusil dans le coffre, des lunettes noires sur les yeux, le visage blanc, la rage et la peur au ventre, direction la clinique, Christine, la voiture garée, le salut de l'agent en faction depuis lundi à la roseraie, les marches gravies 4 à 4, chambre 110, Christine, quelques mots échangés, sans doute des pleurs, et puis l'appel au commissariat d'Épinal. « Allô, c'est moi, Jean-Marie Villemain. Je viens de tuer Bernard Laroche. » Il est 14h. Bernard Laroche est mort depuis 30 minutes. La famille Boll, belle famille de Bernard Laroche, est déjà sur les lieux. Dans la Maison Blanche des Hauts d'Aumonzé, juste à l'orée de la forêt, quelques journalistes sont également sur place, avant les gendarmes de Corcieux. Maître Velzer, l'avocat de Laroche, téléphone, presque par hasard, au domicile des Laroche. Il apprend la nouvelle. Il fronce lui aussi. À Épinal, c'est déjà l'affolement. Jean-Marie s'est constitué prisonnier. Le SRPJ de Nancy est alerté. Le commissaire Andrieux débarque. À la gendarmerie, où le capitaine Sesmat suivait toujours l'affaire de loin, la nouvelle circule également. On croit à un gag. Au tribunal, on cherche à joindre le juge Lambert, parti en vacances le matin même par le train de 5h30. Direction le Hogard, histoire de se reposer, de faire un peu de marche. Ces vacances devaient durer 2 semaines. Le petit juge aura à peine le temps de humer l'air de l'aéroport d'Alger. Dès l'annonce du drame, les gendarmes, les proches de Laroche sont arrivés dans la petite villa, d'où rien n'a filtré tout au long de l'après-midi, sinon une atmosphère pesante, tendue, et des accusations portées par la famille de Bernard et Marie-Ange Laroche. Bernard Laroche, disent-ils, était un homme menacé. Il sentait menacé, il ne pensait pas que Villemain arriverait au point là à le descendre. Hein. Il ne pensait pas du tout. Hein. Il savait que, bon, il l'avait menacé depuis une paire de mois, hein. Il l'avait dit de toute façon. Il avait dit de toute façon, si la justice ne veut pas faire son boulot, moi je le ferai. Hein. Il en est arrivé là. Hein. En fin de compte, bon, ben, il l'a fait. La seule chose qui se produit, c'est que la justice est tellement bien faite que Jean-Marie Villemain va faire passer pour fou. Il va faire 3 ans ou 4 ans de prison ou dans maison d'aliénés ou chez un truc comme ça, puis il ressortira comme un grand. Mais s'il ressort, pour pas qu'il se repointe dans le coin, là, de toute façon, on saura quand il sortira. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est que maintenant, ben, il est mort. Et puis que la police n'a pas fait son boulot. Hein, ça fait 3 semaines qu'ils étaient prévenus qu'il avait menacé. Il avait menacé Bernard de mort. Ma belle-sœur avait téléphoné aux gendarmes. Le gendarme le royaume, oh, on nous a retiré l'enquête, ça ne nous regarde plus. Voilà, ça c'est la gendarmerie française. L'affaire Grégory vient de livrer un de ses coups bas, dont elle a le secret. Autour de Bruyères, c'est l'état de choc. Partout des hochements de tête, des murmures, des phrases marquant l'incompréhension et le dégoût. On n'a jamais vu un truc pareil. Jean-Marie Villemain n'avait a priori rien d'un tueur. À Autocoussin, l'entreprise d'aménagement intérieur de voitures, où il était contremaître et où ses ouvriers l'avaient surnommé le chef, ce jeune homme de 26 ans avait la réputation d'être parfois violent dans ses mots, jamais dans ses actes. L'épreuve des 6 derniers mois a fait monter l'adrénaline et la rage. Jean-Marie Villemain avait évidemment changé. Depuis la mort de Grégory, il ne travaillait pratiquement plus et avait rompu avec sa famille. Sa maison était en vente. Il vivait à Bruyères, dans le petit F3 de Madame Blaise, sa belle-mère. Depuis une semaine que Christine était hospitalisée, Jean-Marie ruminait contre la presse qui accusait sa femme, contre la justice qui ne faisait pas son devoir, contre Bernard Laroche qui, pensait-il toujours, avait tué Grégory. Hier matin, après avoir longuement parlé avec Christine à l'hôpital, il est passé à l'acte, a saisi son fusil, a garé sa voiture au-dessus de la maison de Bernard Laroche et il s'est planqué pour attendre son retour de l'usine, dans un bosquet de sapins, à l'affût. Le jour de la mort de Grégory, il s'était déjà emparé de son fusil pour se rendre chez Jackie, son demi-frère, alors suspecté. Il était armé du même fusil de chasse. Une 4L bleue Garella l'avait fait renoncer. Très récemment encore, il avait voulu tirer sur Bernard Laroche en découvrant un procès-verbal de Muriel Boll. Mais un journaliste l'en avait empêché. Au dernier moment, Jean-Marie avait toujours fini par ne pas céder à la tentation de tuer. Hier, il a craqué. Il avait avec son fils tout perdu, sauf peut-être Christine, enceinte, mais qu'on accusait. « lendemain de la mort de Bernard Laroche, la polémique contre les gendarmes se nourrit d'heure en heure. Contre la brigade de gendarmerie de Bruyères, qui avait mené l'enquête au début de l'affaire avec les erreurs que l'on sait, elle aurait dû protéger Bernard Laroche, qui se sentait menacé par Jean-Marie Villemain. À Bruyères, on préfère s'abstenir de tout commentaire. Contre les gendarmes d'Épinal également, en particulier le capitaine Sesma, directeur de l'enquête, qui n'aurait cessé depuis qu'il était dessaisi d'affirmer aux Villemain que Laroche était bien le coupable. Aujourd'hui, la veuve de Bernard Laroche l'accuse. Les gendarmes qui étaient dessaisis de l'enquête, le capitaine Sesma était formel, il a été voir plusieurs fois Jean-Marie Villemain. Il lui a dit « je suis formel, c'est sûr, c'est Laroche, c'est Laroche, c'est Laroche ». C'est Sesma qui l'a poussé, et sa femme. Vous accusez le capitaine Sesma et Christine Villemain. Oui. Oui. Les rendez-vous se succèdent chez le procureur. Les avocats de la famille Laroche mettent en cause une complicité éventuelle de Christine Villemain. La question se pose, à notre avis, du rôle de Christine Villemain dans la préparation d'assassinat de Bernard Laroche. Elle n'a pas hésité à mettre en outre en cause personnellement le capitaine Sesma, qui, selon elle, aurait joué le rôle de directeur de conscience de Jean-Marie Villemain dans ses projets criminels. Christine Villemain serait actuellement en garde à vue depuis près de 6 heures à l'hôtel de police de Nancy. Il s'agit pour les enquêteurs de déterminer si l'acte de Jean-Marie Villemain était ou non prémédité. Jean-Marie Villemain n'a pas supporté. Le juge, les gendarmes, les journalistes lui avaient longtemps fait croire que Laroche était le meurtrier de son fils. Il s'en était convaincu et on ne lui avait jamais prouvé, disait-il, le contraire. « Je n'attends que ça », avait-il lancé au moment de la libération de Laroche, « qu'on me prouve qu'il est innocent et je vais lui serrer la main. Pourquoi le juge ne l'a-t-il jamais vraiment interrogé ? Et Muriel ? Et si ce n'est pas lui l'assassin, pourquoi est-il toujours inculpé ? Questionnait-il mercredi dernier. Dans sa tête, tuer Laroche était une idée fixe. Peut-être aussi le moyen brutal et primaire de blanchir Christine, de sortir de l'impasse. L'horreur a, l'espace d'un soir, changé de camp. Ce sont maintenant les frères et sœurs de Marie-Ange, la veuve d'Aumonzé, qui crient vengeance et promettent la mort de Jean-Marie à sa sortie de prison. On n'en finit plus. Le coup de fusil du père de Grégory, chauffé à blanc, au fil des jours et des accusations contradictoires, nous replonge dans la très morbide réalité d'une saga hors norme. On avait un peu oublié la mort de l'enfant pour ne s'intéresser qu'à la recherche du corbeau assassin. Le grand jeu s'interrompt. Les policiers vont-ils pouvoir encore se contenter d'attendre et de laisser pourrir la situation, dans l'espoir à tout jamais dévoiler de faire craquer leurs suspects ? Un père en prison, une mère à l'hôpital, un oncle assassiné. L'enquête sur la mort de Grégory Villemain continue. Christine Villemain est libre. La mère du petit Grégory a quitté les locaux de la police judiciaire de Nancy où elle était interrogée. Les policiers qui mènent l'enquête voulaient savoir si elle était en quelque sorte la complice de son mari qui a tué Bernard Laroche vendredi. Christine Villemain avait-elle poussé Jean-Marie à tirer un coup de fusil sur son cousin ? C'est la question que se posaient les enquêteurs du SRPJ, et notamment après les propos tenus par Christine sur l'antenne de radio et notamment sur France Inter hier. Il m'en a pas parlé du tout. Puis quand il est venu à 2h, il m'a dit qu'il avait tué Laroche, c'est tout. Mais on n'a pas eu de conversation sur Laroche du tout le matin. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il est parti, il était 10h30. Il m'a dit, bon, bah, plus tard, j'arrive à 2h. Il m'a dit, t'as qu'à dormir après-midi, c'est tout. Il est parti, bon, bah, plutôt que d'habitude, mais autrement, il était normal pour moi. Jusque-là, vraiment, on n'avait plus confiance à la justice. Jusque les expertises, j'écris aucune des lettres. Puis les expertises qui me ressortent, alors là, je crois que c'est ça aussi qui l'a foutu en l'air. Je crois que c'est pas réfléchi, c'est un coup de déprime. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a pris pour aller le faire hier, pas du tout. Hein. Jean-Marie, des fois, je lui disais, on n'a qu'à partir, on va à la maison à bas prix, puis on s'en va. Il me dit, pas question, il faut que je venge le petit. Je l'ai juré quand je l'ai vu le soir, quand il l'a retrouvé noyé. Il a dit, je l'ai juré, il faut que je le fasse. De toute façon, d'une manière comme d'une autre, s'il ne décampait pas, il aurait descendu. Bruyères, le 1er avril 1985. La matinée de samedi avait commencé mollement. Le soleil chauffait la place du marché d'Épinal, où les forains relayaient les médias au pied levé. « Vous avez vu ? Laroche, il l'a pas loupé. Si c'est lui, moi je vous dis que c'est lui, c'est bien fait. Maintenant, on ne saura jamais, on ne saura jamais vraiment. » On questionnait les journalistes massés en nombre près du tribunal. C'est-il vrai qu'on dit que c'est la mère? Qu'elle aurait tué son gosse? Un retraité à la baguette, plus au parfum que d'autres, haranguait déjà sur le thème de la justice et de l'insécurité. Tout ça, c'est la faute aux gendarmes. Qu'est-ce qu'ils avaient à monter la tête au Jean-Marie? Les avocats de Laroche, toujours dans le bureau du procureur Lecomte, avaient donné rendez-vous à tout le monde au sortir de leur entrevue. À 11h30, le concierge du tribunal, méfiant, sort sa grosse clé et ouvre la grille. Ruée de photographes. Maître prend invective. Arrêtez vos conneries, on n'est pas au cirque. Nous voulons connaître le rôle exact des gendarmes. Nous voulons savoir si c'est vrai que le capitaine de gendarmerie Sesma aurait eu des contacts, comme cela nous a été dit, répété avec Villemain, lui disant qu'il était persuadé que Laroche était coupable, qu'il détenait des documents qu'il n'avait pas donnés au juge d'instruction. Si cela est vrai, c'est extrêmement grave. Le devoir d'un gendarme et surtout d'un officier de gendarmerie est d'obéir et de dire ce qu'il sait à la justice. Et il ne cherche pas le scoop, lui. Il doit travailler sous la direction du juge d'instruction. Et s'il avait quelque chose à dire, il devait le donner au juge d'instruction. Ou bien, s'il n'avait rien à dire, il devait se taire. Mais en tout cas, si ces faits s'est produit, c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi nous avons dit au procureur que nous nous constituerons partie civile pour assassinat et complicité d'assassinat, car il y en aura d'autres, hélas, qui devront aussi répondre certainement de ce crime horrible. Il n'y a pas que Villemain. L'avocat tire à boulet rouge sur une certaine presse, responsable elle aussi du chaos. Devant le tribunal, Marie-Ange Laroche, en pleurs, tente une sortie. Photographe puis caméraman s'interpose. Autour d'elle, la fratrie Boll réagit. Premier coup, premier Nikon amoché. Marie-Ange Laroche enfonce le clou. C'est le capitaine Sesmat qui a monté la tête à Jean-Marie. C'est les gendarmes qui ont tué mon mari. Le temps se gâte, il pleut un peu. À la caserne d'Épinal, le capitaine Étienne Sesmat ne souhaite pas répondre aux attaques dont il est l'objet. Pas encore, prévient un de ses hommes. En voiture pour Romanzé, 1er avril 1985. 13h, un document sans préambule, un cri, prévient l'animateur du journal d'Europe 1. L'interview de Christine Villemain. Christine Villemain confirme que les gendarmes auraient insisté auprès de son mari sur la culpabilité de Laroche. Puis elle donne une version de l'assassinat de Laroche, telle que son mari lui aurait racontée. Sur les autres stations, même cri, même intensité, même voix de femme. Marie-Ange raconte le meurtre auquel elle a assisté. Deux cris, deux voix. L'une ment ou fabule, c'est sûr. À 30 km de là, à Aumonzé, la famille de Marie-Ange, les Boll, tient conseil. Le père cherche son fusil et menace de tirer. Les fils s'en prennent à la famille Villemain et aux salopards de gendarmes. Le temps se gâte, irrémédiablement. Dans les restaurants d'Épinal, les avocats tiennent aussi conseil avec quelques journalistes. Chacun fomente ses plans. Maître Garot fait une petite sieste. On le réveille pour lui apprendre que Christine est placée en garde à vue. 16h40. Les trois avocats de Laroche ressortent du palais après une longue discussion avec le procureur Lecomte et le juge Lambert. Maître Pron, inquiet à l'idée qu'un tireur fou puisse être embusqué, glisse à l'oreille de Velzer. T'es sûr qu'on n'est pas trop à découvert ? Cette fois, les avocats chargent aussi Christine Villemain. La question se pose de son rôle dans l'assassinat de Bernard Laroche. Et toujours Sesmat dans le collimateur, directeur de conscience de Jean-Marie Villemain, qui l'aurait encouragé dans ses projets criminels. Nouvelle gifle pour le capitaine aux yeux turquoises. Celle que le corps tout entier de la gendarmerie ne supportera pas. 19h. Le procureur Lecomte s'accorde une pause café. Un demi bien frais. Dans la rue, parmi les badauds, les premiers faux bruits circulent concernant l'inculpation de Christine Villemain pour complicité d'assassinat. Avec la tombée de la nuit, les observateurs patentés de l'affaire Grégory en reviennent aux confidences traditionnelles du genre « si Christine craque, c'est bon, sinon c'est foutu ». Minuit. Jean-Marie Villemain est transporté de Nancy au tribunal d'Épinal, où le juge Lambert lui signifie son inculpation d'assassinat. Il est transporté dans la prison d'Épinal juste à côté. Christine sera, quant à elle, libérée de sa garde à vue vers 2h, destination inconnue, chez des amis, à l'abri. Dernier coup de théâtre. Marie-Ange Laroche, en parfait parallélisme avec Christine Villemain, annonce qu'elle est enceinte, réclame une protection et récuse le service d'ordre de la gendarmerie pour l'enterrement, mardi, de son mari. Les camarades de travail de Popov, l'autre surnom de Laroche, s'en chargeront. Aumonzé, cimetière, le 2 avril 1985. Bernard Laroche n'a pas eu de chance. Il a fallu qu'il meure pour qu'on commence à se préoccuper de la question de son innocence. Toute la journée d'hier, les avocats ont fait le forcing pour obtenir un petit mot du juge, un non-lieu en bonne et due forme. Ils ne l'ont pas eu. Ils se sont alors rattrapés comme ils ont pu, en assurant dans un communiqué que le juge leur avait fait part, le 26 mars dernier, au lendemain de la signification des rapports d'expertise graphologique, de sa décision de rendre une ordonnance de non-lieu dans un bref délai. Mais le délai n'aura finalement pas été suffisamment bref. Laroche est mort, inculpé de l'assassinat de Grégory. À Jussarupt, dans le petit cimetière où sont enterrés des Villemain, des Jacob ou des Laroche, deux fossoyeurs creusent un trou sous le soleil, face à la Vologne. Aumonzé, église, le 3 avril 1985. Un paysan, à la gitane papier maïs collée au bec, faisait la circulation en bas. Il y avait foule, comme pour un jour de procession. Les paysans avaient reçu des consignes strictes. Surtout, ne faire monter aucune voiture dans la côte, c'est réservé à la famille. Il s'y appliquait avec un zèle qui frisait l'insolence. Le cimetière intercommunal aux vieilles croix mangées par les lichens est en hauteur sur la colline. Le trou cimenté est prêt. Les premiers cliquetis d'appareils photo annoncent l'arrivée des familles et des camarades de travail. Les villageois de Jussarupt, de Grange et d'Herpellement ne sont pas venus en nombre dans l'église en contrebas. Une centaine en tout. On peut facilement les reconnaître car ils ne portent pas, comme les flics et les journalistes, de lunettes de soleil, ni de blousons de cuir ou d'imperméables mastiques. Ils se contentent d'un anorak, d'une cravate noire ou d'un costume rayé patte d'éléphant. Ils ne connaissaient Laroche que de vue par les journaux, mais s'ils ont tenu à venir dans leur église un mardi après-midi, c'est pour voir sa femme ou écouter le curé et se retrouver après dans les cafés pour discuter de l'affaire. Quand les voitures de la famille sont arrivées, le paysan à la clope collée aux lèvres a fait de grands signes. Deux de ses collègues ont couru en donnant des ordres. Les pompiers en uniforme se sont approchés, croyant une épreuve de force. Il ne s'est rien passé. Une vieille Volvo jaune et rouillée, ouvrant le cortège, a gravi la côte en faisant crisser ses pneus jusqu'au corbillard. L'avocat de la famille avait troqué sa Porsche pour une voiture plus discrète. D'autres guindes ont suivi, pleines de proches. Marie-Ange, la veuve, ses frères, ses sœurs, ses parents, et puis les autres. Carlos, Guitou, les amis de chez Ancel qui arborent tous un bandeau noir, sur lequel certains ont collé un petit badge de la CGT. Les photographes, une cinquantaine, cherchent à se placer, le mieux possible. Certains, les nouveaux, confondent encore Marie-Ange et sa sœur, et photographient bêtement celle qui pleure le plus. La tante Louisette est aux premières loges, mâchant sa douleur. Star d'un jour. Ses poses de petite vieille, hypernature, tu vois, font les délices des faiseurs d'images. Les couronnes se perdent dans l'herbe devant la porte de l'église, rose en plastique. L'une d'elles est très remarquée. À Bernard Laroche, victime innocente d'une haine aveugle, ses avocats et ses amis. On s'est arrangé pour bien astiquer les plaques mortuaires où les étiquettes « bronze véritable » sont plus lisibles que les messages personnels. À mon papa, je ne t'oublierai jamais, a-t-on fait dire à Sébastien, le fils. Dans la matinée, l'évêque de Saint-Dié et le curé de la Vologne ont diffusé un communiqué que les journalistes se passent sous le manteau. Il est des rancœurs accumulées, des paroles, des écrits, des images, des jugements hâtifs, des rumeurs qui portent en eux un venin mortel. La vie et la dignité de tout homme dépendent aussi de chacun de vous. Il y avait une gravité certaine dans l'air. Pendant que le curé dit la messe, des badauds s'approchent, mais patientent entre les tombes. C'est cet après-midi qu'ont eu lieu les obsèques de Bernard Laroche, tué par le père du petit Grégory. Les obsèques ont eu lieu dans le calme et le recueillement. Avant de refermer la tombe, nous gardons gravé en nos cœurs le visage de Bernard. Lui pour qui maintenant tout est lumière et vérité, nous appelle à la vie. Dehors, un enfant indifférent, lointain, un peu plus vieux que Grégory, joue dans le sable du cimetière avec de l'herbe et des morceaux de bois. Il s'amuse à faire une tombe avec une petite croix. À l'intérieur, Marie-Ange craque pendant que les communiants reçoivent leur hostie. « Mon Mimi, mon Mimi !» Son cri ressemble à celui de Christine Villemain qui, 6 mois plus tôt, pleurait son Titi. Dehors, les photographes jouent le jeu, respectant les consignes du service d'ordre de l'usine. Ils sont grimpés sur les vieux murs du cimetière et photographient à distance. Quelques mètres seulement, 2 ou 3 les séparent de la veuve, chancelante, dans les bras de l'embolé, le beau-frère géant et protecteur. Les visages se referment, rouges, distants. Le trou va bientôt être scellé. Une femme a tiré le coude de son mari. « Viens, on va raconter ça à la marraine. Après, on pourra plus sortir. » Dans le cimetière à flanc de colline, au-dessus de la Vologne, le défilé de condoléances n'en finit plus. Marie-Ange ne pleure plus. Appuyée sur l'épaule d'un beau-frère, un petit mouchoir blanc en main, elle semble perdue dans ses pensées et mesurer l'ampleur du gâchis. La tribu déboule, sa famille se referme sur elle. Seule absente, Muriel, l'adolescente rouquine, sans le témoignage de laquelle, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Puis la famille se regroupe de l'autre côté de la vallée, à 500 mètres, dans la maison de Marie-Ange, on la devine depuis le cimetière, tandis que les 300 voisins et camarades de travail défilent devant la tombe et jettent chacun un œillet rouge dans le trou. Peu discrets, les policiers en civil, dont on devine l'arme sous le blouson de toile, sont là nombreux. Ils sont là comme pour montrer que l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory continue. J'ai tué le fils du chef. Affaire Grégory, le roman de la Vologne, d'après le livre de Denis Robert, paru chez Hugo Doc, extrait lu par l'auteur. Avec Thibaut Solano, auteur de La Voix Rauque, aux arènes. Archivina, tiré des journaux de France Inter, Antenne 2 et FR3, Anne Delaveau et Marine de Caen. LSD, attachée de production Marie-Vonne à Bolivier, productrice coordinatrice Perrine Kervran. Un documentaire de Denis Robert et Yvon Croisier. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez débrouiller les fils, bibliographie, liens, nous podcaster à Aumonzay ou nous réécouter à la gendarmerie, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est grâce à Marie-Vonne à Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et pour nous podcaster, c'est aussi sur tout un tas d'autres plateformes. Demain, dernier épisode, Christine V.